Mardi 26 mars, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30 en cette belle journée, ma foi, un peu printanière qui me met le sourire aux lèvres. De toute façon, presque tout me met toujours le sourire aux lèvres quand je fais de la radio. Mais bon. Bref, aujourd'hui à l'émission, encore une fois une émission assez chargée. On rencontrera Céline Marcotte et Gilles Artaud qui viendront nous entretenir de la table ronde sur l'engagement des artistes qui aura lieu demain au Studio P. Table ronde qui s'intitule « L'art est-il à ce point gazeux qu'il se dissout dans l'air », donc un titre quand même assez intriguant. Également, Dominique Savoie est allé faire un tour à la Galerie Vue. Elle nous parlera des expositions de Jessica Auer, Studies on How to View Landscape, et de Laura Dutton, À travers la lumière. Lisanne Nadeau viendra aussi avec Charles-Étienne Brochu et Camille Bernard Gravel nous entretenir au sujet de Bande d'essai 2013, cette exposition que la Galerie des arts visuels accorde ou dédie ou à des étudiants au baccalauréat en art. Raymond Poirier nous fera sa revue de presse, mais avant, j'accueille Simon Roy. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, très bien. Tu nous as sorti quelque chose d'assez particulier aujourd'hui. Hein? Tu m'as même averti quand tu m'as écrit. Oui, c'est vraiment pas facile ce que je propose ce soir, mais c'est vraiment surprenant en même temps. Ça nous vient d'une artiste qui vient de la ville de Zurich, en Suisse. Donc, enfin, un peu de femmes dans le monde de l'art audio, ça fait du bien. C'est clair, hein? C'est plutôt rare. Ouais, c'est une histoire de gars, malheureusement, trop souvent. Donc, bienvenue aux femmes dans l'art audio. C'est Valentina Vukcic. Son album s'intitule Tripping Through Runtime. Puis Valentina, ce qu'elle fait, elle prend un microphone inductif, puis elle capte les champs électromagnétiques que produisent les circuits d'un ordinateur. Donc, ce qu'on va entendre, c'est ce qui se passe dans un ordinateur, mais c'est comme si l'électricité était traduite en son. OK. Donc les espèces de borborygme, des fois qu'on entend là, quand l'ordinateur travaille, mais en musique finalement. Oui, ouais, c'est ça. C'est même pas le côté physique du disque dur qui bouge, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe au point de vue électrique, donc dans les circuits, ce qu'on peut pas entendre normalement, mais avec un microphone inductif, on est capable de traduire l'électricité en son. Donc elle a pris, je vous ai sélectionné 4 pièces, et c'est des vieux laptops obsolètes, des vieilles machines. On va entendre comment peut sonner un compact Armada, un ThinkPad, même un Acer Aspire. Puis on va terminer avec la dernière pièce, un vieux PowerBook G3. Vous allez voir, c'est vraiment surprenant. C'est sur l'étiquette américaine Zero Moon. Puis je vous invite à visiter le site de Valentina Vukcic, qui a fait des installations vraiment intéressantes, dont une symphonie avec des disques durs, beaucoup de photos, des vidéos aussi, un artiste vraiment à découvrir. Et Simon Roy, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis on t'écoute dimanche soir à 21h à Web Music. Oui, comme toujours. Voilà, et là, l'extrait qu'on entend, c'est, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, je ne sais pas s'il y a une manière de le prononcer, mais à tout le moins, je le dis. Zoa from Floppy on Compact Armada E500 sur les ondes de CKRL. C'était Valentina Vukcic sur les ondes de CKRL. J'accueille à l'instant Raymond Poirier. Bonjour Raymond. Bonjour Julie. Bon, en fait, je t'accueille, mais je te parle plutôt au téléphone. Tu n'es pas en studio aujourd'hui, comme on peut l'entendre, mais quand même, tu as fait ta revue de presse que tu t'apprêtes à nous présenter. Exactement, et avec un gros a priori musée cette semaine. D'abord, en fait, un dossier assez intéressant du côté du Soleil qui a été publié cette fin de semaine. Je me suis dit que c'est un peu incontournable d'en faire mention dans le cadre de ma revue de presse. C'est un peu des questions par rapport à la fréquentation du public des différentes expositions au Musée national des beaux-arts du Québec et au Musée de la civilisation du Québec. Donc, l'idée étant de voir un peu si le public est au rendez-vous et dans quelle mesure il est au rendez-vous. Donc, les liens d'ailleurs vers les deux articles et les autres articles dont on va faire mention aujourd'hui vont être en ligne tout à l'heure là, sur l'aérospatiale.wordpress.com. Notamment, en fait, au-delà des chiffres eux-mêmes, ça nous permet d'identifier aussi les stratégies que ces musées-là mettent en œuvre pour aller chercher du public, pour développer des nouveaux publics. Ce qu'on dit notamment, c'est que le Musée de la civilisation du Québec a décidé de rallonger, lui, les périodes d'exposition, donc d'offrir des expositions longues pour permettre aux gens de venir au minimum une fois, et ça semble avoir payé quand on regarde un peu la fréquentation. Du côté du Musée national des beaux-arts du Québec, là, on est plus face à des expositions qui durent quelques mois. On dit que dans le passé, on a déjà fait deux sujets majeurs en même temps, mais par contre, que suite à ces expériences-là qui sont coûteuses, qui sont difficiles au niveau promotionnel, au niveau organisationnel et le reste, eh bien, ils ont décidé d'axer donc sur une exposition majeure par période pour permettre de bien organiser un peu leur programmation. Et parallèlement, on parle aussi du développement pour des publics, des groupes du côté académique. On dit qu'il y a eu une hausse au fil des années, là, depuis 2000 jusqu'à peu près 2008-2009, et que ça connaît une légère baisse par la suite depuis 2009. Et autre élément aussi qui ressort de ça, c'est vraiment les, je dirais pas les difficultés qu'on a après le 400e, mais plutôt la force qu'on a eu au 400e de Québec, donc pour aller chercher une année qui est très, très grosse. Depuis 2008-2009, eh bien, les musées, autant de la civilisation que des beaux-arts, n'ont pas réussi à refaire, reconnaître à nouveau ce succès-là. Pratiquement, je pense, à la moitié moins de public du côté du Musée des beaux-arts. Mais la directrice Fénouillette disait, regardez des expositions comme Rodin, comme le Louvre à Québec, c'est des blockbusters. Habituellement, ça arrive une fois en 10 ans. Et c'est pas autour de ces activités-là qu'on organise notre fonctionnement annuel. Ce sont les exceptions, ce n'est pas la règle. Oui. Et donc, ce qui fait qu'on va quand même chercher des publics honorables pour diverses expositions. Et je terminerai sur ces deux articles-là en mentionnant que celle qui a attiré le moins les foules, c'est arrivé près de chez vous. Donc, l'exposition sur l'art contemporain à Québec. C'est dommage. Ce qu'on dit du côté du musée, c'est que c'est pas nécessairement surprenant. On parle quand même d'à peu près 30 000 personnes qui ont été voir cette exposition-là. Et ce qu'on dit, c'est regarder, si on porte un regard sur le public qu'il y a actuellement au niveau de l'art contemporain, ben, l'idée de faire déplacer 30 000 personnes pour venir voir de l'art contemporain dans le cadre d'une exposition payante et d'artistes de Québec qui sont parfois méconnus, parfois connus, parfois peu connus, eh bien, c'est déjà un bon succès quand on compare, par exemple, à la fréquentation générale, par exemple, de Méduse. Oui, c'est vrai. Quand on y pense, 30 000 personnes, c'est la population de ma ville natale. Exactement. Donc, deux articles quand même assez intéressants. Sinon, on reste dans les musées avec les deux autres, notamment au Louvre. Quand on farfouille un peu dans les revues de presse ces temps-ci et dans les journaux, on entend beaucoup parler de la succession au Louvre. Donc, qui va remplacer le directeur qui quitte, Henri Lairette, qui était là depuis une douzaine d'années déjà. Il lui dit, ben, regardez, moi, je quitte parce que je veux pas me lasser ou que le public se lasse. Et au-delà, je dirais pas de la guerre de succession, mais disons des débats, discussions et argumentaires. Ce qui est intéressant, c'est aussi les constats que le directeur, je dirais pas démissionnaire, mais presque, fait autour de l'avenir du musée. On parle évidemment de nécessité de diversification des sources de financement. On prévoit des coupes également de ce côté-là. Mais ce qu'on dit, et c'est une citation que j'ai bien aimée, c'est cette idée que on est face à un musée qui est institutionnel, qui est étatique, et de par cette vocation-là, se doit d'être résolument tourné vers l'avenir et se doit de ne pas regarder en arrière, mais plutôt constamment vers l'avant pour être le plus possible au jour avec les besoins, les technologies, les réalités donc de notre société maintenant, et de répondre à ces besoins-là pour s'assurer que l'art national, au bout du compte, bénéficie d'une promotion qui est adéquate. Voilà. Voilà. Alors, c'est intéressant. Et peut-être deux petits derniers avant qu'on se laisse. Ben oui. Oui. Alors, tout d'abord, en fait, juste un petit clin d'œil. Le Muséum Met, en fait, de New York, qui entre dans cette vague dont on parle sporadiquement au fil des semaines, donc d'une ouverture 7 jours sur 7. Donc, l'idée étant de pallier un peu à des coupes en essayant d'augmenter l'offre d'accès au public. Donc, on verra si ça va payer du côté du Metropolitan Museum of Art. Et enfin, je voulais faire une petite plug, si on peut dire, une petite mention. C'est que pour les artistes de Québec, il y a le regroupement des artistes en art visuel du Québec, le RAV, qui va venir faire un tour début avril, le 11 avril, au Centre Aline Lebel pour présenter et réfléchir à ses orientations 2013-2017. Alors, c'est un peu la première fois, je pense, depuis un bon bout de temps que le RAV décide de partir en tournée avec ses orientations. Donc, ils ont fait Montréal, ils vont faire Québec, ensuite Trois-Rivières. Donc, pour essayer d'aller rencontrer des artistes hors Montréal, justement, pour voir quelles sont leurs priorités, de quelle manière le RAV aussi pourrait mieux représenter ces priorités-là, être peut-être un peu moins montréalo-centriste, si l'on peut dire. Alors, ça sera donc le 11 avril le prochain, et l'information est sur le site du RAV. Évidemment, on mettra le communiqué aussi en ligne sur le site de l'aérospatiale. Ça peut être intéressant si on est curieux, on veut voir ce qu'ils discutent, ou si on veut aller, justement, en discuter. Eh bien, Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et on t'écoute vendredi à La Vie en BD. Oui, un regard sur le 26e festival qui s'en vient incessamment. Voilà, c'est noté. On s'en va en pause audio, on écoute Batch Loop on ThinkPad G40 et au retour, on discute de bancs d'essai. Voilà, c'est un extrait de l'album Tripping Through Runtime de Valentina Voxic, une suggestion de Simon Roy. D'ailleurs, vous pouvez trouver le lien pour le téléchargement gratuit des pièces qu'on entend à l'émission, les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier, l'émission aussi en balado-diffusion, différents communiqués sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Alors, je me tourne en fait devant mes invités, puisque en ce moment a lieu à la Galerie des arts visuels Banc d'essai 2013, une exposition consacrée à des étudiants au baccalauréat en arts visuels. Et pour en discuter, Lisanne Nadeau, directrice de la galerie. Bonjour. Bonjour, Julie. Charles-Étienne Brochu, bonjour. Bonjour. Et Camille Bernard Gravel, bonjour. Bonjour. J'ai dit bonjour trois fois dans la même minute quand même, c'est assez impressionnant. Également dans l'exposition, mais qui ne sont pas présents, Stéphanie Auger et Karine Locatelli. Elles ne pouvaient pas être là pour l'instant, mais bon, c'est pas grave, on saura quand même parler de leur travail. Lisanne, encore une fois cette année, un jury dont tu fais partie, je crois. Oui. Donc, c'est prêté à l'exercice de repérer des étudiants prometteurs qui ont une démarche quand même mature pour leur niveau d'études. Tout à fait. Des étudiants de deuxième année au premier cycle du bac en arts visuels et médiatiques à l'École des arts visuels. Ça doit être... Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous fonctionnez par appel de projet ou vous fonctionnez par... Oui, tout à fait. C'est tout un apprentissage du début jusqu'à la fin. Donc, les étudiants doivent apprendre à... soumettre un dossier. Souvent, ils viennent me voir en disant « Est-ce que mes photos sont bonnes? Est-ce que mon texte est compréhensible? » Tout ça. Donc, avant même d'être choisi, il y a un apprentissage. Et puis ensuite, c'est comment on accroche, quel espace on prend, comment on réagit le soir de vernissage quand on est stressé. Quand les gens viennent poser des questions auxquelles on ne s'attend pas. Et quand on a notre première entrevue à la radio avec toi. Oui, entre autres. Le dessin, quand même, cette année, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne part dans l'exposition. Oui, tout à fait. À chaque année, il y a une couleur différente. Cette année, effectivement, tu as tout à fait raison, Julie, avec Karine, dessin sur toile, Charles qui va parler de son travail tout à l'heure, et puis les belles œuvres sur papier de Stéphanie Auger, qui, en passant, est dans un échange à l'étranger, en Europe, parce qu'à l'École des arts visuels, on a des échanges bien établis, donc avec la France, Marseille, Saint-Étienne. Donc, Stéphanie est à Saint-Étienne, effectivement. Et Lisanne, juste peut-être une dernière question. Oui. Tu dis, chaque année a sa couleur. Est-ce que c'est justement une orientation du jury de dire bon, on veut quand même une exposition qui est conséquente, donc on va chercher des qualités communes? Non, notre principal objectif, disons qu'on est très bien tombé cette année, je pense que l'exposition est très cohérente, mais à chaque année, notre principal objectif, c'est d'y aller avec la crème de la crème, les étudiants qu'on trouve vraiment où il y a une cohérence, il y a une écriture personnelle déjà là qui peut se dessiner. Parlant d'écriture personnelle, je vais me tourner vers les artistes qui sont présents. Je vais commencer avec toi, Karine. Excuse-moi, je suis en train de te débaptiser, Camille Bernard Gravel. Toi, tu nous proposes deux installations, deux dispositifs qui accordent notre attention à des phénomènes très, très simples, comme l'eau notamment. Oui, c'est ça. Je travaille en trois dimensions beaucoup, mais j'aime mélanger les choses. Je travaille un peu en vidéo, je travaille en sculpture. Je travaille présentement sur un projet qui a trait à l'art sonore aussi. Donc là, pour l'exposition, ce qu'on a décidé de présenter, c'est un vidéo, mais projeté dans l'eau. Puis il y a une goutte d'eau qui tombe dans l'eau, donc ça fait une onde. Puis l'onde est reflétée au plafond. Par contre, on la voit pas beaucoup dans le bassin, mais c'est un jeu de perception vraiment qui est souvent lié à l'eau. Puis je m'inspire beaucoup des phénomènes naturels simples qu'on peut observer dans la vie de tous les jours, dans notre environnement, à l'extérieur. Et qu'est-ce qui t'inspire justement dans ces phénomènes-là? C'est d'attirer notre attention, d'en soulever la poésie? Oui, un peu des deux, parce que moi, c'est quelque chose que je vois, puis qui me surprend à chaque fois de voir comment ça peut être beau, mais qu'en même temps, c'est naturel, c'est fait comme ça, puis... Oui, c'est un peu de transmettre la poésie dans un contexte de galerie, mais en même temps, c'est ça, j'ai aussi d'autres idées qui pourraient être de transporter ça dehors, puis de le mettre en valeur à l'extérieur, mais de, ça, de c'est le d'autres remettre projets, en lien, dans le fond, avec son environnement, d'une oui. manière. Oui. Puis, qu'est-ce qui t'amène, justement, tu sais, parce que là, moi, ce que je vois, en fait, dans ce que j'ai observé dans ton travail, bon, la vidéo, c'est certain, il y a de l'utilisation de la lumière qui est présente, il y a l'eau. Est-ce que tu t'intéresses aussi à ce qui est immatériel? Oui, en fait, c'est ça. Je dirais qu'un de mes buts, c'est quasiment de rendre ce qui est immatériel matériel et visible. Puis, je le fais par différents moyens. Mais oui, c'est ça. J'ai l'habitude de dire qu'avec ça, avec quoi je travaille, c'est surtout l'eau, le mouvement, le son, la lumière. Donc, c'est toutes des choses un peu immatérielles, sauf l'eau, mais en même temps, c'est translucide. C'est pas quelque chose qu'on peut saisir. C'est ça. Non plus, hein? Ouais. En même temps, Julie, il y a un côté ludique, je pense. J'aimerais ça, enfin, que Camille, tu me dis si tu es d'accord avec ça, parce que dans l'exposition, il y a une machine à pluie. Oui, c'est ça. J'allais en parler, là, la machine à pluie. Ben, je l'avais pas appelée machine à pluie au début, mais je l'appelais ma machine à gouttes, puis finalement, je me suis rendu compte que les gens, des fois, ils l'appelaient la machine à pluie, puis c'est vrai que ça fait un peu penser à une machine à pluie, même si les gouttes de pluie tombent pas de la façon qui tombent dans ma machine, là. Dans la vie, les gouttes tombent pas une par une en suivant une ligne, là. Mais oui, c'est juste comique, je trouve, de l'appeler comme ça, puis c'est poétique en même temps. Parce que cette machine à pluie-là, faut le dire, on actionne comme une manivelle qui fait bouger comme des bâtonnets qui font tourner des gouttes Elles sont en quoi, hein, ces gouttes-là? C'est une pâte époxy. C'est un peu comme la colle époxy, ouais, qu'on mélange deux parties, mais c'est une espèce de pâte à modeler, si on veut, qu'on mélange. Et là, de ces gouttes-là, ces gouttes des vraies gouttes, finalement. Si je me trompe pas, est-ce que c'est bien non, ça? Non, mais en fait... Il y a de l'eau, en fait, c'est ça. Il y a de l'eau en dessous, puis les fausses gouttes en pâte époxy touchent l'eau une à une, à chacun leur tour, pour faire une ondulation plusieurs ondulations. Et ces ondulations-là, on les perçoit par un reflet sur le mur qui est créé par la lumière, là. Mais ça, c'est toutes des choses discrètes qu'on observe, là. En fait, tu parles de discrétion, ça m'amène peut-être à me tourner encore vers toi, Lisanne. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de sobre, en fait, oui, dans cette exposition-là. Oui. On parle de discrétion, j'ai trouvé qu'on était dans la finesse, dans la délicatesse, oui, le détail également. Oui, oui, oui, oui, la poésie, les détails, l'indicible, oui, tout à fait. Contrairement à l'année dernière où il y avait performance vidéo, il y avait eu des actions, il y avait du bois de cassé dans l'espace, on était dans la pénombre, quelque chose de plus dramatique. Cette année, tu as souligné d'entrée de jeu, Julie, la présence du dessin, de la ligne, même chez le travail de Charles aussi qui va parler tout à l'heure. Donc oui, il y a une finesse, il y a une élégance dans ce travail-là, oui. Puis est-ce que c'est des choses qu'on observe comme des phénomènes de cohorte finalement, ou c'est tout simplement... Je pense que le dessin a une très grande importance en ce moment chez plusieurs étudiants de la cohorte actuelle, effectivement, oui. OK. Et là, ben, parlant de dessin, je me tourne vers Charles-Étienne, Brochu. J'ai ton nom à quelque part, mais je ne l'avais pas mis en caractère gras, je voulais être certaine de ne pas... toi aussi, bon, Charles-Étienne, tu travailles le dessin, mais dans ce que tu présentes à la Galerie des arts visuels en ce moment, tu travailles des impressions numériques. Oui, c'est ça. Donc, j'imagine que tu dessines sur une tablette graphique, oui, puis après ça, tu viens travailler tes couleurs. Ouais. Dans ton travail, j'ai observé quelque chose. Bon, il y a beaucoup de traits, des petits traits très, très fins. Il y en a énormément, mais il y a quand même un caractère minimal, ouais, assez grand dessin. Ouais. Ben, en fait, j'aime bien ça, travailler avec un peu cette idée-là d'une espèce de concision puis d'un dépouillement. Puis en même temps, travailler avec une accumulation de petits détails comme ça, ça me permet aussi de travailler un peu l'inverse puis de travailler avec une espèce beaucoup de choses en même temps. Puis en fait, ben c'est ça, moi je trouve qu'il y a une espèce de richesse en mettant pas trop dans un dessin, puis en laissant peut-être un espace peut-être plus vide et ouvert, je trouve. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le dessin. Puis la matière papier, je trouve que c'est vraiment une matière qui est vraiment intéressante, puis tout. Fait que moi j'aime vraiment beaucoup ça, comme essayer peut-être de concentrer mes interventions dans un espace peut-être plus restreint. Je trouve que ça peut, d'une certaine manière, peut-être... limiter le sens, puis en même temps peut-être de l'ouvrir d'une certaine manière, parce que comme il y a moins de choses, peut-être que ça peut laisser plus de place à l'interprétation ou quelque chose. Fait que moi j'aime bien comme concentrer un peu mon dessin dans une zone, c'est comme tu dis, en faisant des petits détails comme dans une même zone. Je trouve que ça peut comme créer une espèce d'ambivalence qui peut être intéressante dans un dessin ou quelque chose. Moi j'aime bien jouer avec ça. Puis c'est intéressant aussi parce que justement, bon, on est dans les petits traits, le détail, mais tes dessins sont quand même très très, ouais, grands. Donc tu sais, le format du dessin est peut-être, bon, je dirais un format, je sais pas, conventionnel, ou bon, tu sais, on s'approche pour le voir, mais la relation avec, ouais, le dessin, elle change, parce que dès qu'on est proche, on est comme enseveli dans cette, ouais, grande couleur-là. Tout à fait, oui, c'est ça. Ben, je trouvais ça important aussi, justement, de travailler avec un très grand dessin comme ça, justement. Je pense que c'est comme ça que c'est le mieux, puis qu'on comprend plus l'idée, justement, du dépouillement, puis un peu du dénuement que j'essaie de créer. Fait que, ouais, effectivement, le format est très important. Moi, j'aime beaucoup travailler avec ça. Avant, moi, je viens un peu de la peinture. C'était ma pratique avant. Puis je travaillais sur des grands formats avant, mais le dessin m'a toujours vraiment beaucoup, beaucoup intéressé. Puis je trouvais ça toujours un peu plate parce que, ben, en dessin, j'avais comme l'impression qu'on était toujours obligé de travailler en plus petit format. Puis je me suis dit, ben, tant pis, je vais travailler en très grand format. Puis, ben, je l'ai fait avec des vrais crayons. Puis, ben, en même temps, là, avec l'impression puis la tablette graphique, c'est vraiment facile de faire ça, en fait, parce que j'ai même pas besoin de tu sais, je peux travailler dans... Tu restes dans la petite intervention, puis c'est après ça qu'on grandit. C'est ça. L'impression numérique permet vraiment, après ça, d'avoir le format que je veux, puis que je veux travailler dessus. Puis c'est vraiment... Ça offre vraiment des possibilités que je trouve vraiment super le fun. Puis... Qu'est-ce que tu allais dire? Non, rien. Je voulais dire aussi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est ton utilisation des couleurs. Hein. C'est des couleurs, des palettes de couleurs qu'on ne s'attend pas nécessairement à voir ensemble, mais contrastes, elles sont quand même dynamiques. J'imagine que ça aussi, là, c'est important. Oui, c'est très important aussi. Puis, il y en a peu. C'est vraiment des couleurs que j'essaie de choisir justement pour un peu leur... J'essaie de faire des choses qui sont un peu touchantes, puis le plus probablement efficace possible. Avec une économie de moyens, ouais, vraiment dire beaucoup avec peu. C'est ça, exactement. Puis ben, dans le fond, c'est ça, en essayant de mettre peut-être des couleurs qui contrastent ensemble, j'essaie de faire quelque chose d'un peu... De qui frappe efficace. Ou qui saisit, voilà, là, exactement, qui saisit ça. D'elle. Là, ça va aussi avec le choix des sujets qui sont toujours un peu ambigu, hein, ambigu, moi, ouais, ça. C'est ça, un peu angoissé peut-être ou quelque chose. Il y a une espèce de nervosité dans tout ça, puis dans le traitement aussi, fait que je trouve que ça vient compléter mon travail. Il y a un peu comme une narration trouble aussi, quand je regarde l'œuvre, je cherche le titre, là, l'homme qui se... Début et fin, justement, ouais, donc quelqu'un qui se tire, mais qu'on voit l'étoile filante, donc ouais, c'est une histoire qu'on peut se raconter. Oui, c'est ça, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, cette idée-là. Je trouve que ça apporte une dimension... Ben, une dimension de plus en un dessin. Puis moi, j'aime bien ça. En même temps, c'est pas important vraiment, tu sais, qu'on connaisse l'histoire ou pas, mais je trouve juste de mettre des éléments comme narratif, j'ai l'impression que ça offre peut-être quelque chose d'intéressant dans une image. Puis c'est ça. Puis effectivement, la contradiction, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup dans les dessins. Je trouve que c'est aussi une manière d'ouvrir un sens, puis d'essayer d'être le plus efficace possible. Charles-Étienne Brochu, Camille Bernard-Gravel, j'aimerais que vous me disiez, je dis les deux, il y en a un des deux qui est bon, j'ai un doute à l'instant, qu'est-ce qui vous inspire dans le travail de Stéphanie Auger et dans celui de Karine Locatelli, peut-être en terminant, qu'est-ce que vous trouvez intéressant ou les parallèles que vous voyez peut-être avec ce que vous avez produit? Oh, une réflexion. Ou ben, Lisanne, peut-être, peux-tu... Ben, moi, j'aime vraiment beaucoup le travail des deux. Je trouve vraiment qu'ils travaillent... Puis en plus, moi, ben, c'est sûr, les deux travaillent en deux dimensions aussi. Fait que moi, ça vient vraiment me toucher particulièrement. Je trouve que les œuvres, par exemple, de, disons, Karine, sont vraiment super intéressantes dans la mesure où elle aussi va travailler vraiment dans un détail vraiment incroyable. Puis il y a une matière aussi, on voit que ça, la matière sur laquelle elle travaille est vraiment importante. C'est parce qu'elle dessine, elle, sur des toiles. C'est ça, tout à fait. Puis moi, c'est vraiment quelque chose qui vient me toucher particulièrement. Puis, mettons, je vais te laisser répondre pour Stéphanie. J'avais une idée pour Karine aussi, pour moi, parce que, comme on disait, elle fait des... elle travaille dans le détail beaucoup, puis elle a une de ses œuvres qui est quand même grosse, puis je dirais que moi, ce que je fais souvent, c'est quand même pas si petit, mais c'est aussi dans le détail. Il y a beaucoup de choses à penser qui doivent être précises, puis les petites gouttes, il y en a plusieurs, puis sont tout petites, puis c'est ça, je trouve que c'est dans le détail. Sinon, Stéphanie Auger, elle, c'est sûr que, elle aussi, c'est dans le détail, parce que les formes sont pas superposées. Oui, des fois, sont superposées, mais c'est comme, sont à la jonction l'une de l'autre, puis c'est ça, c'est un peu des détails. Puis elle travaille aussi beaucoup, en tout cas, j'ai trouvé qu'elle travaillait la matérialité, hein, du pigment, notamment. Ouais. Oui, Stéphanie, elle est à côté des ses œuvres sont à côté de celles de Charles. Charles, c'est le savoir-faire incroyable, c'est parfait, puis il y a un trouble qui se... je dirais que Stéphanie, c'est presque le contraire. C'est des œuvres sur papier qui ont l'air d'être spontanées, qui ont l'air d'avoir été créées comme des gestes de calligraphie très rapides. Mais dans l'ensemble, il y a un savoir-faire qui se saisit. Après coup, c'est presque à l'inverse de Charles, où le savoir-faire se voit dans un premier temps, puis ensuite on voit le trouble. Et Karine, c'est intéressant parce qu'un immense dessin d'un jardin urbain où on découvre peu à peu, le côté idyllique est un petit peu brouillé par la présence à un moment donné dans son jardin de cygnes, de l'urbanité comme des mégots de cigarette et des choses comme ça. Il y a vraiment quelque chose à découvrir dans cet immense dessin-là qui est assez fascinant. Et je voudrais quand même souligner qu'on a une belle collaboration avec Labordé. Oui, c'est vrai. Karine Locatelli fait une intervention sur le mur arrière de Labordé avec un extrait d'un poème de Saint-Denis Garneau. Magnifique, magnifique extrait d'un

Donc, il y a dans la salle, il y a aussi l'installation de quelques écrans plasma, aussi d'assez grand format. En fait, cette série d'images est issue d'une résidence qu'elle a fait au Parc national de Banff, en Alberta. Puis, elle est présente surtout, en fait, on peut reconnaître surtout dans les paysages le lac Louise. Et donc, c'est ça, c'est une espèce de réflexion un peu. Elle essaie de mesurer l'impact du tourisme sur des paysages grandioses, comme par exemple ceux des parcs nationaux. Faut dire qu'en partant, ben, c'est peut-être une information qui est intéressante. Le parc national de Banff, c'est quand même un des plus anciens parcs, voire le plus ancien parc du Canada, puis c'est le plus visité au pays également. Donc, pour faire cette recherche, elle était quand même assez bien située. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est... donc, si on regarde les photos, d'abord, on remarque que c'est la plupart, voire l'ensemble, sont prises vues du sol. Donc, on est en bas des montagnes, puisque là, on a le paysage vraiment là, grandiose des rocheuses, donc montagnes enneigées, et surtout la vue du lac Louise, donc avec la couleur quand même assez importante, un bleu très vif. Et sur ces photos-là, donc, on montre un peu donc des expéditions touristiques. Donc, on remarque la présence d'autobus, de masse de touristes, surtout, tous habillés un peu à la sport... à la sportive expédition. Avec l'appareil dans le cou, gros appareil photo. Ouais, c'est ça, mais tu sais, des couleurs assez éclatées pour se faire remarquer. Et bon, on peut remarquer aussi les plus sportifs aussi, donc qui arrivent en kayak plutôt que de prendre l'autobus. Et on les voit certains donc prendre des photos, regarder des cartes, d'autres commencer l'ascension vers la montagne. Et donc, on voit ça en premier lieu. Si on va vers les vidéos, donc, les vues cette fois-ci sont de haut, donc des montagnes ou en voie d'arriver au sommet. Et on voit toujours la même chose. Donc, toujours ces touristes qui se font prendre en photo, prennent des photos. Donc là, ça fait l'idée aussi un peu de la photo dans la photo. Ah ouais, c'est ça. Et il y a une vidéo, moi, qui m'a quand même assez fait sourire. C'est une jeune femme qui est au sommet d'une montagne, est assise sur le rocher et elle a devant elle le plus magnifique des paysages, donc le lac Louise et un ciel infini, les montagnes, etc. Et elle semble, on a l'impression que quand on regarde rapidement, qu'elle est comme dans un état de repos, de contemplation, voire de méditation. Puis finalement, on remarque qu'elle est en train de regarder sur son cellulaire. Oh non! Donc les photos qu'elle a prises. Oui, ou on le sait pas en fait là, mais on la voit finalement. Tu sais, elle est vraiment là assise. On a vraiment l'impression que c'est ce qu'elle nous offre. C'est un abandon. Finalement, pas en tout. Tu sais, c'est vraiment elle est dans les technologies en train de regarder. Je ne sais quoi. Ça, c'est fort. Bref, quand même. Hein? Oui, c'est comment on regarde notre vie plutôt que de la vivre. Exactement. Hein? Donc, là, quand on a fait le tour, donc une première fois, là, on est la réflexion. Donc, on voit vraiment bien que on est devant, en fait, ce qui est parmi les plus beaux paysages du pays, des montagnes vertigineuses, un paysage vaste qui, normalement, devrait être sain, tu sais, justement, là, apprécié pour sa beauté. Et de fait, tout ça, toutes ces beautés naturelles, ben, deviennent valeurs marchandes, commerçantes, voire touristiques. Et là, c'est ça, c'est l'impact du tourisme là-dedans. Ça enlève un peu cette pureté qu'on a du paysage canadien, qu'on va mentionner, justement, dans les publicités touristiques, dans l'histoire, peu importe. Donc, la beauté sauvage des paysages canadiens est comme détruite par, justement, cette présence quand même assez importante de... Ce fourmillement. Oui, mais du tourisme. C'est pas juste de l'homme, c'est vraiment du tourisme. Donc, l'industrie touristique. Donc, on n'est plus dans une nature sauvage, mais plutôt apprivoisée. Exactement. Puis, on voit bien, là, comme les autobus qui amènent les touristes avec les drapeaux canadiens. Puis, tu sais, il y a vraiment quelque chose de dérangeant. Donc, on est vraiment dans deux opposés. Donc, l'industrie du tourisme et le paysage, donc, canadien dans toute sa splendeur, donc, qui perd de cette beauté-là, justement, avec la présence de ces personnes. Donc, quand même assez intéressant comme exposition. Puis, ben, ça vaut la peine de faire le tour une première fois, puis une deuxième fois ensuite en ayant déjà fait une réflexion. Deuxième exposition, donc dans la petite salle cette fois-ci, donc c'est Laura... La salle européenne. Oui, la salle européenne, c'est ça. Donc avec les murs de pierre. Donc c'est Laura Dutton qui nous propose à travers la lumière. Donc elle propose une espèce de installation donc de boîtes lumineuses. Il y en a trois, donc d'assez grand format encore une fois. Une qui est accrochée au mur, deux autres qui sont disposées dans la salle. Ça donne un peu l'impression, en fait, comme si elle avait créé des fenêtres contemplatives. Il s'agit, ce que j'ai cru remarquer, donc, d'images qui sont projetées, donc, de photographies, mais en très, très gros plan, donc en plan très rapproché, qui fait que ça devient abstraction. Donc, on peut plus vraiment percevoir qu'est-ce que représente nécessairement l'image. Donc, ce qu'on remarque, par contre, c'est que l'image est tellement rapprochée, donc le zoom est tellement fort que c'est comme si on avait, on voit le grain de la photographie et on voit aussi sa décomposition en lumière. Okay. Donc, le rouge, le vert et le bleu qui composent la photo, on le voit, on le perçoit, on voit vraiment tout, justement, ce phénomène-là lumineux. Et donc, ça amène une espèce de, justement, contemplation, réflexion, méditation, encore une fois. Et comme c'est un peu brouillé, donc on peut pas vraiment percevoir quelque chose de précis dans l'image. Et le fait que ce soit des boîtes lumineuses, ça accentue aussi cet effet-là. Donc, une autre expérience à vivre à vue. Eh bien, Dominique Savoie, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et nous, on s'en va en pause audio. On écoute Sugar on a Stick en Acer Aspire 1680. Au retour, on discute avec Céline Marcotte et Gilles Artaud. Voilà, c'était des sons assez chouiz. C'est pas un terme qui existe, mais c'est quelque chose que j'aime bien dire, de Valentina Voxic, une suggestion de Simon Roy. Et demain, en fait, à 17h au Studio P, il y a une table ronde sur l'engagement des artistes. L'art est-il à ce point gazeux qu'il se dissout dans l'air? Et pour en discuter, Céline Marcotte, directrice de Folliculture, bonjour. Bonjour. Et Gilles Artaud, artiste, directeur aussi de l'Espace F, et Jésus, ancien directeur de CKRL, bonjour. Bonjour. Donc, demain, cet événement là, vous le présentez en collaboration avec la Galerie des arts visuels de l'Université Laval et en collaboration aussi avec le Studio P. Bien entendu. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler la table ronde sur ce sujet-là? Moi, j'ai dans ma tête le printemps érable, ça fait un an. Est-ce qu'on est dans cette perspective-là? Non, pas vraiment, mais par contre, on trouve que c'est un bon moment pour en discuter aussi. Mais c'est parti de d'un projet qu'il y avait à Québec de mixité sociale, qui était le projet Sherpa. Oui, c'est vrai. Où est-ce que on veut mixer des gens qui ont des problèmes de santé mentale et des artistes professionnels de la relève. Et il y a eu tout, ça a été accueilli de façon un peu, il y a eu toutes sortes de réactions à ce projet-là. Fait que là, de la part des artistes, entre autres. Hein, de la part des artistes, oui. Et donc on est parti de ça, puis on voulait amener plus loin le débat, fait que mais c'est notre point de départ finalement de la table ronde. On trouvait que c'était une bonne un bon moment pour faire une table ronde. Puis bon, là on parle de l'engagement en art, mais principalement on reste dans le domaine des arts visuels, j'imagine. Ça m'étonnerait qu'on se limite au domaine des arts visuels, j'espère. Sinon, je m'arrangerai pour qu'on parle d'autres formes d'art que seulement les arts visuels. Ben, dans les participants, il y a des gens qui viennent des arts visuels, il y a des gens qui viennent de la création sonore. Il y a Benoît Côté qui est le directeur de Pêche, qui est celui qui a mis sur pied le projet Sherpa. OK. Et il y a monsieur qui est en art visuel. Gélartose, il est animé aussi par Gilles Séoui-Durand, qui a à la base une formation. Gilles Guy, oui, merci. Il a une formation qui est sociologue de l'art à la base, puis après ça, mon conférencier, commissaire, etc. Ouais. Moi, je vous pose la question, Gélartose, peut-être en commençant, qu'en est-il de l'engagement dans les arts, à votre avis, en ce moment? Ou en 2013, ou dans les dernières années? C'est une question inépuisable, hein, parce que la fameuse question de l'engagement des artistes, là, c'est vieux comme le monde. On pourrait commencer par une boutade. Dans le fond, tous les artistes cherchent des engagements. Parce que on fait partie de cette couche socio-économique des gens dits pauvres. Ouais. Alors, évidemment, si on nous offre des engagements rémunérés, on les prend tout de suite. C'est une façon de débattre, une façon de voir la chose. Mais c'est pas seulement une boutade. Je veux dire que qu'est-ce qui va amener une personne sur un terrain que nous considérerions, nous, aujourd'hui, au micro, être un engagement? Est-ce que ceux qui ont supporté Hitler, il y a quand même beaucoup d'œuvres artistiques considérables, d'ailleurs, qui ont été réalisées en hommage à Hitler et pour supporter Hitler, est-ce que ces gens-là étaient des artistes engagés? On est bien obligé de dire oui. Hein, ils étaient, même chose pour Mussolini, même chose pour ceux qui ont glorifié un certain totalitarisme soviétique. Ouais. Alors, il y a des artistes engagés, il y en a de toutes sortes. C'est, alors, lesquels on veut? parce que c'est la bonne question. Lesquels on veut? Et puis, qu'est-ce qu'on souhaite de cet engagement-là de leur part? Parce que, il y a des gens qu'on imagine ne pas être engagés, et pourtant quand on regarde les conséquences de leurs œuvres, on se dit mais c'est absolument fabuleux la portée sociale de tel ou tel artiste. Là, prenons des coups sûrs là, pour pas se mettre à débattre aujourd'hui, mais quelqu'un comme Picasso. Il a pas fait beaucoup d'œuvres engagées, hein, au sens où on l'entend d'habitude. Là. Il y a Guernica peut-être, mais à part ça, son travail d'artiste, c'était pas un travail socialement engagé, en tout cas pas apparemment socialement engagé. Peut-être un certain nombre d'œuvres un peu choquantes sur le plan érotico-porno, mais c'est un autre niveau d'engagement, c'est pas le même. Alors pourtant. Avec le travail qu'il a fait comme artiste, il a modifié à peu près toute l'esthétique du siècle. Hein? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut? Puis, un projet comme Sherpa pose une autre question. Puis là, c'est intéressant d'y arriver. Parce qu'en préparant mon entrevue, c'est sûr qu'on se met à réfléchir nécessairement. Sans se positionner, je me posais des questions pour poser des questions, justement. Puis je me disais, est-ce que les artistes en art actuel font justement le choix de l'engagement consciemment ou non, de par cette pratique-là? À la limite, c'est le choix d'être artiste, le choix de se situer dans les pratiques actuelles peut être une forme d'engagement? En soi, c'est une façon de vivre. Hein? Fait que c'est un engagement à l'égard de sa propre existence. Mais je pense pas que c'est cet engagement-là qu'on va discuter tellement demain. On va probablement parler davantage de la portée sociale ou de la dimension socioculturelle explicite de l'engagement d'un ou des artistes. Et puis, on va se demander peut-être si les artistes d'aujourd'hui sont moins engagés que ceux d'avant. Je sais pas, il y a toutes sortes de points de vue sur ces questions-là. Moi, je me situe pas sur ce terrain-là. Je pense qu'il y a des artistes qui sont je suis un artiste délibérément engagé, je le sais. Mais ce que je fais comme production artistique l'est pas toujours. Ouais. Alors, il faut comme démêler deux, trois affaires. Comme la personne et son travail aussi, dans le fond. Bien sûr. Et cet engagement-là va aller jusqu'où? Ben, c'est une question qui appartient à chacun, à la limite. Puis ensuite, elle peut prendre une portée puis une dimension sociale. C'est sûr qu'on peut la partager avec d'autres, mais il reste quand même qu'on peut pas forcer quelqu'un à devenir un missionnaire s'il en a pas envie. Hein? Il y a des artistes qui vivent dans des solitudes très radicales. Je pense à Pierre Guyotta, qui est un écrivain immense, qu'on a fait venir, Folie Culture, qui dans le fond est quelqu'un de très proche de Folie Culture, qui est un artiste qui a des problèmes de santé mentale. C'est pas un fou raide, mais il aurait pu le devenir. Puis il y a des bouts où on a l'impression qu'il l'est, d'ailleurs. Mais c'est un artiste qui réfléchit tellement à la langue elle-même, à ce qu'est la langue française elle-même, avec toute son historicité, avec toute sa matérialité, qu'il écrit une œuvre monumentale dont les trois quarts sont illisibles. Pourtant, les livres sont là, ils sont publiés par Gallimard, ils sont reconnus, ils sont... Alors, il y a ce genre d'artiste-là, est-ce qu'il est engagé? Qui peut répondre à ça? Est-ce que l'artiste qui pose des questions sans nécessairement, parce que je vois souvent ça ici à l'émission, je reçois des artistes qui disent, bon, moi, je me définis pas comme engagé, mais je pose des questions, maintenant c'est aux gens de répondre ou de trouver leur propre réponse ou d'interpréter. Ça aussi, à la limite, on peut se questionner sur c'est quoi ces limites d'engagement-là, justement. Mais peut-être aussi qu'une des questions qu'il faut se demander, c'est raccorder. Parce que la question de l'engagement, telle que Folie Culture la pose, elle est posée sur le terrain de la folie. Raccorder la culture à la santé, raccorder l'art à la santé mentale, est-ce que c'est si facile que ça? Est-ce que c'est facile de dire à quelqu'un, t'as-tu envie de vivre, puis quand tu ouvres ta porte le matin, celui qui est devant toi est quelqu'un qui a des problématiques d'équilibre émotionnel. Ouais. C'est facile de faire ce genre de on a-tu envie de ça, on a-tu envie de ça? Puis là, ben, la question est pas si simple que ça. Non, c'est pas facile de répondre à ça en disant oh, c'est une bien bonne idée, j'aime ça, mixité sociale, mon œil. C'est le narcotique, justement, j'imagine. Tu parlais tout à l'heure des réactions au projet Sherpa. Ça allait dans quel ordre, hein, un peu de réactions pour que ça vous amène justement à vouloir faire une table ronde sur le sujet? C'est assez étonnant. Ça allait vraiment dans comment ça, mais les fous avec les artistes, moi j'ai pas envie. C'était vraiment étonnant. Moi j'en revenais pas. On trouvait que les gens étaient intolérants. Puis mais aussi après on a relativisé les choses parce que ce qu'on a vu c'était dans des médias écrits. Puis ben après ça on s'est dit bon, tu te fais mettre un micro sous le nez, puis on te demande qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu dis vite. Ce que tu dis là, et peut-être pas non plus ce que tu penses. Si on dit, tu sais, réfléchis un peu à ça, toi, qu'est-ce que t'en penses? On s'est dit que c'était peut-être ça plus tôt qui était arrivé, mais ça a fait quand même beaucoup, ça a fait réagir beaucoup. Et même la table ronde sur Facebook a fait réagir beaucoup en fin de semaine. Ah ouais, déjà? Oui, la fin de semaine, pas la fin de semaine dernière, l'autre fin de semaine, il y avait... Quelqu'un posait la question de... Ça a commencé par la question de l'architecture de Sherpa, que les gens n'aimaient pas. C'est revenu sur le sujet de la cohabitation entre des artistes puis des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ah oui, donc déjà, on a une amorce de réflexion, là, si on va sur le Facebook de Folie Culture, finalement. Oui. Déjà. Et, bon, la table ronde a lieu, je le disais, demain, 27 mars, à 17h, au Studio P. C'est gratuit, j'imagine? Oui, gratuit, 280 Saint-Joseph-Est. Et ça va être aussi en web diffusion. Oui, sur livestream.com/folieculture. Donc, les gens vont pouvoir... ceux qui peuvent pas se déplacer. Regarder de la maison. Si la technique va bien. Ça devrait. Il y a toujours un petit bug avant. Puis finalement, à la dernière minute, on s'essuie le front, les gouttes qui perlaient au front, puis on dit « Fio! » On va essayer. De toute façon, si vous êtes sûr de pas le manquer, ben on va au Studio P demain à 17h, tout simplement. Céline voilà. Marcotte, Gilles Arteau, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Donc, demain, l'art est-il à ce point gazeux qu'il se dissout dans l'air au Studio P? On fait une très courte pause audio. On écoute Boot on PowerBook G3. C'était un extrait de l'album Tripping Through Runtime de Valentina Voxic. Je répète, c'était une suggestion de Simon Roy. C'est déjà l'heure de la fin de l'émission. C'est Gilles Chaumel qui prendra bientôt le relais avec Folk d'Amérique, pardon, dès 18h30. J'en profite pour remercier mes invités, pour remercier Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde. Et je vous invite, en fait, jeudi 28 mars dès 17h, il y a l'événement Femmes créatrices de la série cinéma Grand Créateur, donc projection de court-métrage et du documentaire de Geneviève Rioux, Crée-moi, crée-moi pas, précédé d'un 5 à 7, suivi d'une table ronde également, 4, 5, 6, 7 avril, des performances polonaises, donc fait où tu es, pratique contextuelle entre la Pologne et le Québec. C'est un hommage à Jan Switzinski. Alors sur ce, ben, je vous répète le site de l'aérospatiale.wordpress.com si vous voulez écouter l'émission en balado-diffusion, voir les communiqués de presse, les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier ou pour le téléchargement gratuit des pièces qu'on entend à l'émission. Et je vous souhaite une excellente soirée. Bonne semaine.